avec transmit. Transmit, le petit transmit vert. Oui, oui, c'est ce même. Ah, d'accord. Oui. Ok. D'accord, donc on appuie sur transmit. Mon niveau. Oui, mais... Maintenant, je vais dire... Excusez-moi, mais j'ai encore le problème que... Prova, prova, prova, uno, prova. Mi sentirete dopo. Je vais parler. Maintenant, vous m'avez écouté, moi. Ouais. Ben ouais, c'est bien, ça va, moi, je suis ravi. Mais viens faire de la musique avec nous, ou jouer aux jeux vidéo. C'est clair? Ou renvoie ton message. Tu vas jouer? Mais vraiment, c'est ça que tu veux. Non, et après? À parler. Oui, oui, parle. Oui. Parle, vas-y. Voilà. Walik et... Ninjam ou... Donc, notre fois. Uno, due, tre, quattro. J'avais dit 1, 2, 3, 4. Et prochain tour, vous va écouter ce que j'ai dit. Qu'il faut faire. D'accord. Donc on se met sur notre jam tabac pour t'écouter. François, vous avez écouté mon 1, 2, 3, 4. Écoute, moi, Hugo, j'ai toujours. Le problème, c'est que j'ai toujours le métronome qui tourne et je ne sais pas comment l'arrêter. Ah, les métronomes, c'est possible. Les niveaux. J'avais mute avec le métronome ici. Mute sous le métronome. Ah oui. Pas le métronome. Mais moi, ma fenêtre, elle ne ressemble pas à ça. Elle est autrement. Attends. Ok. Et tu sais, pour regarder ta fenêtre, c'est ce qu'il a expliqué. C'est en haut à gauche, en haut à droite. Tu as différentes représentations. Donc si tu prends 7 tracks layout tout vertical. Oui. Tu vois, tu auras la même représentation que... Oui, oui, bien sûr. Ça, je l'ai, il n'y a pas de souci. Tu n'as pas le métronome en dessous. Si, si, le métronome, je l'ai, mais je n'ai pas les contrôles du métronome. Moi, j'ai juste une barre, en fait. Juste en dessous de la barre du métronome, il y a S et Mute. Non, non, moi, le métronome, j'ai juste une ligne avec le métronome et il n'y a pas moyen de... Juste en dessous, tu n'as rien. Bah, je vais vous faire une capture d'écran, je vais vous montrer ce que j'ai. Je vais vous montrer ce que j'ai, moi. Je vous l'envoie par Zoom, d'accord? D'accord. Donc, on va faire...